connecté, pareil. Quand lui il pense, je vous l'ai dit. Quand ça manque, on nique pour lui. Rien de prévu, rien de prédit, on croyait, on savait. A vie multipliée, un saut pour trois trieux. Préparer l'avenir, les intérêts à jouer. Les mauvais joueurs jouent avec leur dé. Pas question de fierté, notre métier, notre fierté. Le quartier, le monde a alerté. De 5-5, raid, durée illimitée. Ça prendra le temps qu'il faudra pour vous faire montrer. Les traits, les signes particuliers, cette clique, mon poids. Une maîtrise à la nique, on vise otage pour une bonne prise. Provoque l'orage, contre en son éparmise. Délivrer ce qu'on a, ce qu'on sait. Parler, continuer, faites monter. Former de manière à qu'on puisse évoluer. Si on n'est pas ajouté, les trois frères, les éternité, K-Web Game qui va se séparer. Yo, les trois frères, c'est comme ça qu'on est liés. Yo, trois frères dans le hip hop. Ha, trois frères dans le hip hop. Trois frères dans le hip hop. J'aime la panique sans faire de flop. Ha, trois frères dans le hip hop. Trois frères dans le hip hop. Trois frères dans le hip hop. Yo, trois adeptes que la rime adopte, sème la panique dans le hip-hop. Trois frères comme dans le film, jouent leur rôle sans faire de flop dans le scénario. Et yo, pas de partance, faut foutre l'attention de la première mesure à la dernière, mate l'évolution. Cap notre éducation, hip-hop à fond et freestyle session. Trois chômeurs victimes de l'école du rap derrière un buisson. Unique l'éducation nationale, et c'est trop dur qui me prennent pour une caille. Je leur dirai que QCS en même temps G.I. Dans l'hip-hop travail pour époustoufler les canailles. Comme Melkash Braille, fou la zizanie comme Game et Drill Rouge. Pas besoin de suivre le beat, il me suit même quand je bouge comme mon oncle. Dans la noirceur comme Dia, j'ai vu comme Battle Mode dans l'ombre. Je sens de réfléchir abondance, de rime en silence. Ramage sagement, depuis 8 ans entre le hip-hop et mes frères. Aucun détachement, entre le hip-hop et mes frères. Aucun détachement. Yo, trois frères dans le hip-hop. Ha, trois frères dans le hip-hop. Trois frères dans le hip-hop. J'aime la panique sans faire de flop. Ha, trois frères dans le hip-hop. Trois frères dans le hip-hop. Trois frères dans le hip-hop. Melka, Psychic Game. Ha. La griffe de 5-5 se chiffre à trois frères de son moins le sif aiguisé. Déguisé en type agressif. Celui qui rime sans pépette dans le pif. Pif la kiff maîtrisée. Rap sans être la risée. Rivé sur le Gold River, rêveur ambitieux. Précieux pour les siens, pour ceux qui encaissent coup dur aux pressions des bleus. Agression, transgression des lois. Je dis ce que je vis, ce que je vois de mes propres yeux. Toi au mien et au à ceux qui se cachent la vérité. Ceux qui se voient la face par vanité. Question de dignité, je n'oublierai jamais qui j'étais. D'où je viens, ma source sûre c'est le vrai. Plus qu'une fierté, 8 ans de fidélité. Sans lâcher prise, malgré les carottes acquises. Les traîtrises, les assences qui nous méprisent. Les liens brisés, où est la devise? Un pour le 1, 2 pour les miens. Ce qui symbolise la franchise. Trois frères dans le hip-hop. Trois frères dans le hip-hop, yeah, yeah. Trois frères dans le hip-hop. J'aime la panique sans faire de flop. Ha. Trois frères dans le hip-hop, yeah, yeah. Trois frères dans le hip-hop. Mec à game.